Donjon Jacob, on la fume, tu les gobes. Appelle-moi si tu veux, comme dans quelques années on est au top. Arrête sa vie, tes fractions t'as gâché ta vie. Plus tard tu vas cacher ta fille, je vais zoner dans le meilleur navire. Boy, faut que tu t'arrêtes, ouais que tu t'arrêtes. Si tu veux te test, viens, rentre dans l'arène. Tu la bases avec de la farine, tu dis c'est de la faute à Farid. Tu bédaves des produits arides, la frappe en Europe ça varie. Pendant ce temps-là, les guérons partent en Afrique faire des safaris. On mène une vie à risque, la forêt des fois hachek, ça m'arrive, l'enfer me fait pas rire, l'enfer me fait pas rire. Oui, chasse, retrouve-moi à Lyon, parle-moi pas de Paris. Oh damn bitch, yeah, j'ai toujours un drip. J'ai toujours un drip, même si tu prends la fuite, histoire aura une suite. Hey, hey, y'a des baveurs de flics, hey, ils ont dû appeler la balistique. Hey, hey, à midi, soir, retourne au boulot, pas le temps de prendre un apéritif. Hey, y'a les keufs, ils enquêtent. Ils veulent faire tomber la tête. On déboule dans ton bloc, mon négro. On quadrille le périmètre. Hey, snitch, 6 balles dans ta tête. Hey, bitch, on peut même te viser de la mettre. Je fais que du sale depuis Mino. J'ai pas pris le temps d'apprendre à jouer au domino. Hey, toi tu parles de kilos, mais est-ce que c'est de la 09, mon négro? Hey, j'suis dans le bang, dans le bendo. Yeah, j'suis dans le bang, dans le bendo. Hey, j'suis dans le bang, dans le bendo. Si t'en as même sans, il vient pas ici. Lève le visage, te gonfler de la veille. Hier, le lin m'a touché. J'compte le faire jusqu'au bout de jour. Et j'ta réécoute, j'aime t'attrape tous les jours. T'attrape tous les jours comme toute chaîne. Fais pas de fou, je te crosse, tu perds de chai. Touche pas le calibre si t'as pas les gants. Reste loin de mon lobby, négro, si t'as pas les couilles. Sur la roca dans Caïman, j'suis avec Jacob et surtout mes frères Cayenne. J'ai de la chance, je n'ai plus des terres que la moyenne. Une attente de partout chez moi, elle met pas les yep. Rien à foutre de cette chance, j'suis focus sur le cash. Rien à foutre du diable, j'suis focus sur la crasse. Frère, j'vais te jamel comme une frite. Si tu veux qu'on fasse un feat, t'es mal et rien qui s'affiche. Et tu les écoutes en shop au titre. Guapo fait la prod au pif. Ouais, c'est de la peuf dans ce putain de jeu. J'vois que des petites, ils arrivent même pas à ma tête. D'internet toujours à piche. Toujours mon flash, si on a dit 18 heures pile, t'as intérêt de ramener le cash et j'arriverai toujours à triche. Toujours à passe dans mon CV, y'a plus d'équipe, pélo ça pète ou ça casse. Pélo ça pète ou ça casse. Putain tu pètes et tu te casses. Lyon ça pète, ouais ça claque. Jacob ça pète et ça